Alors voilà, on vient d'entendre Theremin in the Rain, Theremin sous la pluie de Gordon Monahan, entendre en entrée de jeu ce soir. Alors, pour vous dire que j'ai rencontré Gordon Monahan un soir de février sans trop savoir qu'il s'agissait d'un des artistes sonores les plus importants au Canada. Ce soir-là, habillé d'un complet jersey, je l'ai vu officier une grand-messe sonore aux commandes d'un Theremin modulé par des ondes de radio FM, des radios locales de Québec, à la fois grand prêtre du son et musicien. Monahan charmait son auditoire. C'est un musicien de formation fasciné par l'architecture, la science et la technologie. Il créait au début des années 80 une performance qui allait vraiment marquer d'une pierre blanche l'histoire des arts sonores, une sorte de pièce maîtresse, on pourrait dire, une performance intitulée Speaker Swinging, qui est devenue avec les années un standard dans le monde de la performance sonore, au sens qu'on donne à ce terme de standard, au même sens qu'on le donne dans le domaine du jazz. Alors, après plus de 30 ans de carrière, il remportait en 2013 le prix du gouverneur général du Canada en arts visuels et en arts médiatiques. Il s'agit, on pourrait dire, d'un parcours artistique assez étonnant qui révèle un artiste de très grande envergure. Alors ce soir, je vous propose une incursion dans cet univers artistique de Gordon Monahan à travers l'écoute de titres tirés de trois albums particulièrement représentatifs de son travail artistique. Un album intitulé Theremin in the Rain, Speaker Swinging et Saskatchewan Sound Installation, dont on écoute une première pièce intitulée Revolving Around You. Alors voilà, on vient d'entendre Revolving Around You de Gordon Monahan. Alors, quand on glane ici et là de l'info sur cet artiste, on sait rapidement qu'il est originaire de Kingston. C'est un Ontarien. Gordon, il a étudié la physique, puis le piano et la composition à Ottawa notamment et à Sackville au Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, on souligne Sackville parce qu'il a été particulièrement influencé là-bas par des professeurs d'art visuel et de photographie. Alors, ça a donné vraiment une tournure singulière à son travail installatif, notamment. Alors, il a commencé à créer, fin des années 70, des installations multimédia et à construire des sculptures sonores en utilisant les forces naturelles de la nature. Alors, il a fait sa marque avec ses installations de longues cordes de piano activées par le vent, arrimées, attachées, ces longues cordes, à des bâtiments abandonnés, d'anciennes usines, des complexes industriels, des fermes également. Une série, ça a donné lieu à une série de sculptures cinétiques qu'il va regrouper au début des années 80 jusqu'en 88 autour de l'intitulé Long Aeolian Piano. Alors, ces sculptures éoliennes vont amener Monahan à créer des instruments assez uniques, fabriqués à partir de matériaux recyclés, contrôlés par ordinateur. Et il va également développer une multitude d'installation et de performance qui allie la création artistique, l'architecture, la culture populaire et le savoir scientifique. C'est d'ailleurs, je dirais, sa grande caractéristique. Alors, on écoute deux pièces, dont une tirée de cette série de Long Aeolian Piano, une pièce intitulée Wine, Wars and Airplanes et une autre pièce qui s'intitule Aerial Drop. Alors voilà, c'était Gordon Monahan, deux titres tirés de ses albums qu'on vous présente ce soir. Alors, il est tout de même difficile de parler de ce travail de Gordon Monahan sans parler de cette œuvre magnifique qui est intitulée Speaker Swinging. Il s'agit en somme d'une performance plutôt électrisante présentée une première fois, il faut dire, il y a plus d'une trentaine d'années. C'était à la galerie Mercer Union de Toronto, c'était en 82. Je vous fais une description de ce qui se passe dans la salle. Alors, il y a quatre performeurs ou cinq, c'est selon les versions que Gordon va faire. Quatre performeurs athlétiques installés sur des praticables surélevés qui font tourner dans l'obscurité presque totale autour de leur tête et durant plusieurs minutes des haut-parleurs attachés au bout d'un câble et chacun des haut-parleurs est muni d'un élément lumineux. Alors, les performeurs se mettent en action, le filet lumineux qui tranche littéralement l'obscurité, tout ça est accompagné des effets sonores que produit la rotation des haut-parleurs qui finit par créer chez le spectateur cloué à son siège une sorte de plaisir hypnotique qui s'accompagne très rapidement d'une tension qui est provoquée par cette crainte plus ou moins raisonnée qu'un accident puisse se produire par le bris d'un câble, la chute d'un performeur exténué ou encore un incident technique. Comme il arrive parfois qu'on le sente, cette tension au cirque là, à la vue d'acrobates ou de fil de ferriste. Alors, dans une entrevue que Gordon Monahan accorde en 2011 au magazine Magenta, il raconte ceci à propos de speaker swinging. C'est vraiment intéressant. Il dit « Une autre tendance dans l'art sonore est de prendre des équipements techniques et de déconstruire les contextes et les concepts de son utilisation et de son design. » C'est un peu ce que fait Monahan. Alors, il poursuit Gordon Monahan en disant « C'est dans ce contexte que les haut-parleurs sont recontextualisés dans speaker swinging. » Le performeur balance le haut-parleur pendant que je transmets des sons électroniques générés en direct sur les haut-parleurs. Alors, au cours de la performance, divers événements sonores et d'éclairage se produisent, y compris des moments d'obscurité totale, ce qui accentue le facteur de peur inhérent au travail. La peur du public envers ces haut-parleurs séduit à la fois et confondue par un mouvement répétitif, tout cela amplifié par l'effet Doppler. Alors, vous savez, l'effet Doppler, c'est cet effet sonore qui est produit par un objet en mouvement. Le classique, c'est la locomotive qui passe et qui du point de vue de l'écouteur qui est immobile, ben le son se transforme. Alors, dans cette performance, speaker swinging, les haut-parleurs sont détournés de leur fonction habituelle et agissent potentiellement comme des instruments de musique qui produisent du son et qu'on peut manipuler comme n'importe quel instrument. Alors, on écoute un extrait de speaker swinging intitulé « Partie numéro 1 ». Alors, dans une interview vidéo que Gordon Monahan a donnée à Caroline Langill de la Fondation Daniel Langlois, il nous rappelle toute l'importance qu'il accorde au principe d'indétermination et de hasard dans le travail de création artistique et dans son travail en tant que tel. Alors, il dit être influencé notamment par John Cage et Marcel Duchamp. Il cherche, un peu comme eux, à ne pas trop contrôler le processus par lequel on arrive à des résultats sur le plan sonore. À cet égard, il attache beaucoup d'importance à la notion de hasard et même de chance dans le cheminement artistique. Alors, il s'agit d'une question d'attitude, dit-il, d'une philosophie, d'une approche plus que d'un procédé ou d'un mode de travail. Alors, Monahan poursuit en disant « S'appuyer sur des accidents de parcours, ne pas toujours décider de ce qui va arriver, tout ça alimente sa démarche de création. » Alors, l'œuvre intitulée « Theremin in the Rain », le Theremin sous la pluie, si on traduit ce titre, est sans aucun doute une belle illustration de ce travail qui unit le potentiel des machines technologiques, le potentiel du Theremin comme instrument, premier instrument de musique électronique, des cordes de piano, de la danse et l'horizon infini des gouttelettes qui tombent par hasard sur des surfaces résonantes. Alors, on écoute deux extraits de « Theremin in the Rain », une première pièce intitulée « Flex String » et une seconde intitulée « Fluide dynamique ». Thank you. Alors voilà, c'était deux pièces présentées d'affilée, Fluide, Dynamique et la dernière pièce, Flex String. Alors, Monahan va également souligner au cours de sa carrière toute l'influence qu'a eue sur son travail le créateur sonore, l'artiste américain Alvin Lucier, dont le travail de composition s'est appuyé sur des dispositifs assez simples, combinés à des instruments ou des machines utilisées pour la recherche scientifique notamment. Alors, on peut dire que Lucier compte parmi les premiers créateurs à jumeler des éléments de la culture scientifique et de la culture artistique dans un contexte de performance audio. On va dire ça comme ça parce que sans doute pas le premier qui va mixer la culture scientifique et la culture artistique. Donc, Gordon Monahan nous raconte au sujet d'Alvin Lucier qu'il a été le premier artiste qu'il a connu à utiliser des phénomènes scientifiques spécifiques dans l'art sonore, presque comme une expérience scientifique en tant que telle, transformée en une pièce d'installation. Lucier, pour reprendre des termes de Gordon Monahan, a démontré qu'il était possible d'utiliser des machines en combinaison avec de l'espace pour fabriquer ou manipuler un son pur. Dans sa pièce célèbre qu'il a réalisée avec un minimum de moyens, on parle ici de la pièce « I'm sitting in a room »,« Je suis assis dans une pièce », Lucier a enregistré sa voix sur un magnétophone tout simple et a réenregistré à plusieurs reprises ce premier enregistrement. C'est une série de boucles jusqu'à ce que le phénomène acoustique de répétition rende le son quasiment inintelligible. Tout un travail à la fois sur la voix et sur le dispositif de répétition et de reproduction que permettent les machines sonores. Alors, vous pouvez trouver assez facilement cet extrait de cette pièce de Alvin Lucier sur le web en faisant Alvin Lucier I'm sitting in a room et vous allez pouvoir entendre cette pièce. Alors, cela dit, on va écouter une pièce intitulée Theremin Inside the Piano. Le theremin à l'intérieur du piano et c'est tiré de l'album Theremin in the Rain. C'est une très belle pièce. Thank you. Alors voilà, on vient d'entendre Theremin Inside the Piano. C'est une pièce de Gordon Monahan et c'est tiré de l'album Saskatchewan Sound Installations. Cette idée qui illustre le travail de Monahan, cette idée de simplicité dans les moyens techniques qu'utilise Monahan dans ses dernières performances sonores, sont aussi illustrées par le travail qu'il a fait à partir de fruits, de légumes et d'ustensiles de cuisine. Ça illustre toute l'originalité de la démarche. Alors, bien sûr, en 45 minutes, c'est difficile de brosser un portrait exhaustif, mais ça donne, je pense que ça vous donne une bonne idée du travail singulier de Gordon Monahan. Alors, pour terminer cette émission, on écoute un extrait live de son projet intitulé Slicing Hot Plate. Alors, c'est une présentation, une performance qu'il a fait présenter à Québec en 2015 et qui est inspirée d'ustensiles de cuisine et de chaudron sous le feu. Et ce sera suivi en fond du sonore d'une pièce qui s'intitule A Very Large Vinyl Constructed in Acoustic Space. Alors, on écoute cette performance live en première partie. Voilà, on va manquer un peu de temps pour la seconde partie. Alors, l'accroche à rail s'achève de cette manière. Je vous invite à acheter un coup d'œil sur le site web de l'accroche-oreille, sur l'accroche-oreille.wordpress.com pour avoir le titre de toutes les pièces qu'on a fait jouer ce soir. Alors, je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de CKRL et d'ici là, soyez attentifs au son autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.